chaque jour pour million pour fête, chaque seconde million pour mourir. Dieu n'a pas dit votre Dieu dit bien la fin, ma vie ça va arriver. Sacrifice pour ma douleur plus riche, nous même qui vous avez regardé nous. Y'a plus ma chance que bien le monde sans sacrifier, c'est ma vie de Dieu. Je dis que la femme m'a dégoûté, ça va arriver. Sacrifice pour ma douleur plus riche, comme un petit gagou, ça va être regardé. Il y a plus de chance que bien le monde, ça va crier, c'est pas quitté. Gardez. Ça fait c'est loué. Mais bateau à sous-tour, il y a monde qui va monter. Ça fait c'est loué. Les grands bêtes la varent, il y a monde qui va monter. Ça fait c'est loué. Moi dis ça fait c'est loué. Ça fait c'est loué. Mes maquettes là où il y a mon qui vient écrasé. Ça fait c'est loué. Garde si fait la pluie et garde mon qui gagne grand coup. Ça fait c'est loué. Moi dis ça fait c'est loué. Ça fait animal. Ça fait c'est loué. Logon pop, faut pas craser cuir. Ça fait c'est loué. Sogon petit, faut qu'à occuper. Ça fait c'est loué. Garde maman qui chita en ça Haïti. Ça fait c'est loué. Si mando, faut qu'à bon petit gâteau. Ça fait c'est loué. Pas jouer parce qu'on pas connaît moi. Ça fait c'est loué. Moi dis ça fait. Sa pa fe yo di mwen la dani. Sa fe se loue. Mi mi go a se li mwen konen. Sa fe se loue. Si fe mal voka kritike mwen. Sa fe se loue. Gat problem ka pase devan nou. Sa fe se loue. Gat ki jan fre yo ap kaze fe. Gracias.